de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Barthélémy Schmitt. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, très bien et vous ? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc Bart Schmitt, je m'occupe de la chocolaterie Schmitt avec mes deux frères, on est trois donc co-gérants à gérer l'activité familiale. C'est quoi l'histoire de la chocolaterie ? L'histoire de la chocolaterie, c'est Jean-Émile Schmitt et Patricia Schmitt, donc nos parents, qui en 83 s'installent à Gérardmer et montent la pâtisserie Chocolaterie Schmitt. Par la suite, il y a eu de nombreux prix. Il y a eu certains prix que mon père a gagné. Donc, il faisait partie des 10 meilleurs chocolatiers de France dans un guide qui s'appelle le guide des croqueurs de chocolat, qui est l'équivalent du guide Michelin, mais pour les professionnels de la chocolaterie. Et puis, par la suite, il y a le développement qui s'est fait parce qu'on a ouvert, on a rejoint du coup l'entreprise familiale, les trois frères, et puis on a ouvert donc une chocolaterie à Nancy. Et puis tout récemment à Remiremont. J'ai vu via votre site qu'il y a trois hommes sur la photo, donc c'est vous avec vos frères. Oui, tout à fait, oui. Vous avez un rôle différent dans l'entreprise ? Oui, chacun occupe sa fonction, donc la répartition est la suivante. Jérôme, donc l'aîné, s'occupe de la partie production, tout ce qui touche à la production, donc la fabrication des produits, mais aussi la création, l'approvisionnement des matières premières. C'est un travail conséquent qui gère avec brio, et bien sûr il est accompagné de toute son équipe. Mon second frère Nicolas s'occupe lui de la boutique de Nancy et de toute la partie administrative, donc tout ce qui touche au moindre papier, il s'en occupe. Et puis moi, le petit dernier, je m'occupe de la partie plutôt commerciale, on va dire. Voilà, puis je bouge 2-3 trous quand il y a besoin à certains endroits. Voilà. Du coup, vous avez repris le flambeau de vos parents ? On a repris le flambeau de nos parents, bah oui, parce qu'ils nous avaient, ils avaient monté quand même un outil de travail qui était hyper intéressant dans une activité qui nous touche, puisqu'on a grandi dans la pâtisserie à l'époque, puisqu'on habitait sur place. Chacun a fait son petit parcours, et puis finalement, on a décidé de tous rejoindre l'entreprise quand mon père a eu son prix des meilleurs chocolatiers de France. On trouvait que c'était chouette de participer à ça et de continuer la sensibilité qu'on avait en tout cas pour cette entreprise et pour le produit. Est-ce que vous l'avez rejoint tout de suite ou est-ce que vous avez fait quelque chose avant d'autres ? Alors on a tous travaillé dans d'autres domaines avant. Mon frère Jérôme était lui cuisinier, donc il a fait son apprentissage dans des étoilés Michelin. Il a un petit peu travaillé dans différents endroits. Il a quand même pour le coup passé 15 ou 20 ans de son côté dans son activité. Mon frère Nicolas, lui, était préparateur physique et maître nageur, donc une activité tout à fait autre. Et puis moi, je travaillais également en restauration. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, et en même temps, chaque job a des contraintes qui font que on trouve toujours un parallèle, je dirais, entre les activités qu'on a connues chacun dans nos domaines et l'activité qu'on mène aujourd'hui. C'est quoi la particularité de la chocolaterie Schmitt ? La particularité de la chocolaterie Schmitt, l'aspect familial qui est très important, mais ça on vient de l'évoquer, donc c'est la transmission, je dirais, et la chance qu'on a eue d'avoir des parents qui ont fait leur boulot hyper bien, suffisamment pour que ça soit récompensé, qu'il y ait une renommée. Et donc la particularité qui découle de ça, c'est la qualité dans le savoir-faire. Puisque mon frère Jérôme, avec toute son équipe bien sûr, s'est appréhendé le métier avec toutes les bases que mon père lui a données, et aussi se dissocier un petit peu du schéma traditionnel, puisqu'il innove, il propose plein d'autres choses, tout en gardant la qualité. Qu'est-ce qui vous démarque des autres chocolateries ? Ce qui nous démarque, je dirais que c'est le goût. Il y a plein de bons professionnels, plein de bons chocolatiers. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est pas négatif si je dis qu'on se démarque par le goût. Mais on a la particularité d'avoir des bonbons de chocolat. Je parle notamment sur les bonbons de chocolat, les créations qu'on trouve donc dans les ballotins. Ce sont des chocolats qui, quand bien même on utilise de la coriandre, du basilic, plein d'autres produits qu'on pourrait plutôt associer à de la cuisine, on arrive à le faire. Le produit reste un chocolat, et le petit truc en plus apporte un petit supplément, on va dire, plaisir. Et puis, c'est des chocolats qui se déclinent souvent en deux ou trois palets et qui ont une belle longueur en bouche, pour le coup. Est-ce qu'il est possible de visiter les ateliers de fabrication ou pas ? Alors, en soi, c'est faisable. On l'a déjà fait, mais on le fait de moins en moins parce que on est pris par le temps et qu'on a encore un petit laboratoire, donc on n'a pas d'espace dédié à de la visite ou autre. Est-ce que ça fait partie de vos futurs projets ou pas de faire ça ? Ça non, pas nécessairement, parce que il faut d'abord qu'on arrive à approvisionner vraiment les trois boutiques, et puis il faudrait qu'on refasse un gros gros labo pour faire ça. Combien est-ce qu'il y a de boutiques pour la chocolaterie Schmitt ? Alors, il y a trois boutiques, le point de vente de Gérardmer qui est donc collé au laboratoire, là où on fabrique, qui est donc une pâtisserie chocolaterie. La boutique de Nancy, qui elle a 12 ans maintenant, qui est donc une boutique dans laquelle on vend nos bonbons de chocolat, enfin vraiment chocolaterie et confiserie et un petit peu de biscuiterie. Et puis depuis le 1er octobre, la boutique de Remiremont. Et qui s'occupe de gérer tout ça ? Alors gérer tout ça, donc on est, comme dit tout à l'heure, trois frères, mais on a la chance d'avoir... au laboratoire, une équipe qui est là depuis un certain temps, donc pour toute la partie production, mon frère et son équipe du labo. Pour la boutique de Gérardmer, on a notre tante France qui est du métier, hein, puisqu'elle était femme de boulanger, elle tenait son activité à l'époque, qui nous a rejoint il y a 10-12 ans, je crois, qui elle gère la boutique de Gérardmer et bien d'autres choses d'ailleurs. Et puis sur la boutique de Nancy, c'est mon frère Nicolas. Et pour Remiremont, c'est Aude qui travaille avec nous depuis à peu près une douzaine d'années également, qui gère cette boutique-là. Parce que justement, je crois que j'étais tombée sur Aude au téléphone, elle m'avait donné le numéro de votre frère, le numéro de Nancy, donc ça devait être certainement votre frère, je crois. Tout à fait. Pour faire une émission avec lui. Oui, ça doit être ça. Justement, vous parliez de la boutique qui a ouvert à Remiremont, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Sur la boutique de Remiremont ? Oui, parce qu'elle est ouverte depuis très, très peu de temps pour le coup. Ouais, depuis le 1er octobre, on a fait nos premières fêtes de fin d'année, là, donc sur Remiremont. Et vous dire quelques mots, c'est même presque en dehors du boulot, c'est plus qu'on habite tout à côté de Remiremont, et c'est une ville qu'on ne connaissait pas des masses, et pour le coup, moi j'apprécie de venir là, parce qu'il y a deux, trois endroits sympas où manger, la ville est hyper agréable, les commerçants sont très sympas. J'apprécie. Et puis quant à la boutique, on a eu une belle opportunité. On a un emplacement qui est chouette, on est sous les arcades. Et puis pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a plus qu'à souhaiter que ça continue comme ça à démarrer. Est-ce que vous avez prévu d'en ouvrir d'autres ou pas ? Alors à cette heure-ci, non, parce qu'il faut déjà qu'on pérennise, on va dire, l'activité de Remiremont. À terme, c'est pas prévu comme ça, mais on sait jamais, pourquoi pas, si un jour on a d'autres opportunités qui se présentent au moment opportun, pourquoi pas. D'accord. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de parler de la chocolaterie et de la pâtisserie Schmitt. À tout de suite sur Radio Gamozo. Sunny, yesterday my life was filled with the rain. Oh baby, sunny, you smiled at me and really eased the pain. It's magic. Dark days are done, and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. I love you. True, I love you. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Barthélémy. Alors je savais qu'il y avait plusieurs versions de cette chanson, mais je connaissais pas du tout celle-ci. Ma favorite. Vos chocolats viennent de différentes plantations, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors donc on travaille avec on fait partie des artisans et dans la filière cacao, il y a vraiment toute la partie agricole. Donc avec les plantations en elles-mêmes, et puis intervient ensuite le travail du couverturier, donc l'entreprise qui fabrique depuis la fève de cacao la matière première chocolat, dont se sert l'artisan pour travailler ses produits, que ce soit en gâteau, en biscuit, en chocolat. Et donc on travaille avec un couverturier chez lequel on sélectionne plusieurs produits qui viennent pour le coup d'un petit peu partout dans le monde. On travaille Venezuela, Madagascar, Pérou, enfin voilà, vraiment c'est relativement varié et pour la simple et bonne raison qu'en fonction du terroir, on a un résultat en bouche qui est complètement différent. Et ça, j'allais dire, entre guillemets, presque peu importe le pourcentage de cacao, c'est vraiment, enfin, le pourcentage a un rôle, mais l'origine du produit, le terroir a vraiment un rôle dans la diversité des goûts. Et c'est quoi un couverturier ? Il fait quoi ? Un couverturier, il travaille depuis la fève de cacao, donc extraite de la cabosse. Il va avoir tout un tas d'étapes à faire pour donner la matière première. Les couvertures sont en gros des grosses tablettes de chocolat avec lesquelles on va pouvoir travailler, nous. Enfin, soit en forme de très grosses tablettes, soit en forme de petites pistoles, entre guillemets, quand je dis prêtes à l'emploi, très entre guillemets, puisqu'il y a un travail et un savoir-faire qui est celui du coup de l'artisan qui vient ensuite. Est-ce que vous mélangez plusieurs chocolats qui sont issus de plantations différentes ou pas ? Alors on travaille avec effectivement des couvertures d'assemblage et on travaille également avec de la couverture dite pure origine pour justement avoir le produit qui colle bien au produit qu'on souhaite une fois mélangé à tous les autres ingrédients qu'on utilise. Comment ça se déroule la fabrication d'un chocolat ? Depuis la partie agricole, depuis le couverturier ? Voilà. Puis pour la phase finale, finalement. Ok, alors je vais essayer d'être relativement synthétique quand même et puis de ne pas dire trop d'erreurs si les couverturiers nous entendaient, ce serait malheureux. Donc ils travaillent avec des fèves de cacao. Alors il y a plusieurs très gros fabricants, il y a plusieurs fabricants un peu plus petits. Le couverturier avec lequel on travaille, nous, sélectionne donc des sites agricoles. Et ils sélectionnent également la qualité d'un travail et du savoir-faire des agriculteurs, puisque lui veut des fèves de cacao qui sont calibrées. Le fait qu'elles soient calibrées, ça leur permet de cuire, de torréfier plutôt à la bonne température et de donner une homogénéité à l'ensemble de la masse, parce que dans le cas contraire, si on a des fèves de petite taille ou des fèves de grosse taille, on va se retrouver à avoir d'un côté mélanger des fèves de petite taille qui ont brûlé et des fèves de grosse taille qui n'ont pas assez cuit. Et du coup, on a un chocolat dans lequel on est obligé de mettre plein de sucre pour couvrir un peu le goût dégueulasse que ça peut avoir. Donc là, pour le coup, très grosse distribution, un truc comme ça. Donc nous, on travaille avec un de ces couverturiers qui a des fèves calibrées. Donc, dans un premier temps, il torréfie les fèves. Ensuite, il les passe dans une machine qui s'appelle le casse-cacao. Ça permet de dissocier la petite pellicule qui enrobe la fève de cacao du reste. Puis ensuite, c'est broyé, mélangé, malaxé. Alors, je passe pas mal d'étapes, mais pour faire synthétique, encore une fois. Et ensuite, c'est mélanger, soit si on veut du chocolat au lait, soit si on veut du chocolat blanc, on est obligé d'extraire plus de matière grasse pour donner, pour avoir uniquement le beurre de cacao, soit du chocolat noir, on ajoute un peu de sucre, plus ou moins, un peu de beurre de cacao, plus ou moins. Ensuite, il moule ça soit dans des très grosses tablettes, soit dans des petites tablettes, et puis l'artisan, entre guillemets, récupère ce produit à travailler. Est-ce que la méthode de fabrication a toujours été la même ou est-ce qu'elle a changé avec le temps ? Alors, pour ce qui est de la partie lac, je connais quand même moins, parce que c'est moins notre activité, elle a évolué, et beaucoup, mais plus par l'utilisation de machines qui permettent d'avoir des résultats plus précis, plus pointus, puisque ils travaillent avec des machines qui s'appellent des conches à chocolat, ce sont des espèces de gros, enfin plus ou moins gros cylindres avec des bras qui permettent de mélanger le chocolat le temps nécessaire pour pour apporter plus de goût au produit. Plus il est mélangé, plus on va apporter de saveur, de goût et une texture et une granulométrie qui sont intéressantes. Donc ça a évolué, je crois, beaucoup dans le type de machine et la qualité surtout des machines. Comment se passe le dosage dans la fabrication des chocolats? Alors, dans la fabrication des chocolats pour l'artisan? Peu importe. Alors, dans la fabrication donc des matières premières, ça se passe, je veux pas parler pour leur place, mais fonction des goûts, de la typicité qu'ils souhaitent obtenir. Donc, d'où l'utilisation aussi de certaines couvertures qui sont des assemblages. C'est pas simplement pour dire, tiens, on a un résidu de ça, on va le mélanger, ça donnera du chocolat, ça sera bien. Non, c'est aussi parce que ça leur permet, par exemple, sur certains types de chocolat, d'avoir au fur et à mesure des années une stabilité dans le goût du produit, puisqu'en fonction des années, des pluies plus ou moins fortes, du sol, enfin plein de choses, on aurait des variations, tout comme dans le vin. Ce qui est le cas pour les matières premières dès lors qu'elles sont pure origine, et ce qui est un peu moins le cas pour les assemblages, puisque en fonction du dosage, on va apporter un cacao qui est un peu plus acide ou plus ou moins amer pour donner la même typicité que le chocolat fabriqué un an avant, deux ans avant, trois ans avant. Voilà. J'ai vu que vous fabriquiez aussi du chocolat sans sucre ajouté. Comment c'est possible de faire ça? Alors, on fabrique du chocolat sans sucre ajouté. En revanche, on utilise un autre produit sucrant dont, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. C'est quoi les chocolats gourmands? Alors les chocolats gourmands, je suppose que c'est ce qui s'apparente, c'est ce qu'on considère comme étant les bonbons de chocolat. C'est les petits chocolats enrobés qu'on retrouve soit dans les sachets du chocolatier, soit dans les ballotins, et qui eux sont composés soit d'une ganache, soit d'un praliné, soit d'une pâte d'amande enrobée avec un décor ou non, et puis qui sont ensuite présentés en boutique. J'ai vu aussi que vous proposiez du chocolat bio. On propose également du chocolat bio. Donc on travaille encore une fois avec notre couverturier et on a la possibilité, la chance d'avoir un chocolat bio, parce que je suppose que vous imaginez bien que c'est compliqué dans les fabrications de ce type de produit, parce que ça vient quand même pour le coup de l'autre bout du monde, et avoir la certitude d'avoir un bio qui est un vrai bio, c'est pas évident, mais... On a réussi à le faire, le couverturier avec lequel on travaille a réussi à nous le proposer en tout cas. Est-ce que vous utilisez des colorants pour faire du chocolat noir ou blanc, ou est-ce que c'est naturel? Non, la couleur, elle dépend vraiment du produit en lui-même. Donc encore une fois, en fonction de l'origine de la fève, mais également tout simplement parce que le chocolat noir, c'est donc du chocolat noir, un mélange donc de cacao, de beurre de cacao et de sucre, plus ou moins... on va dire fort en fonction du pourcentage, hein. Sur une tablette par exemple 70%, on a 70% de cacao et 30% de sucre et de beurre de cacao. Le beurre de cacao étant une matière noble, hein, puisque c'est vraiment la masse grasse dissociée de la masse sèche qu'est le cacao. Pour le chocolat au lait, on incorpore du lait. Et pour le chocolat blanc, on extrait, c'est pour ça aussi que le chocolat blanc coûte très très cher, on extrait également la plus grosse partie qu'on peut du chocolat et on fabrique avec ce beurre de cacao, du lait, bien souvent de la vanille et du sucre, ce chocolat blanc. Et j'ai vu aussi qu'il y a des chocolats qui contiennent du magnésium, et je crois que c'est du chocolat noir à 70%, il me semble. Alors là, c'est une question un peu trop presque technique pour moi, mais oui, c'est un des composants c'est une molécule qu'on peut retrouver dans le chocolat, et je crois effectivement que plus on monte haut en pourcentage, plus on a de magnésium, enfin dans le cacao du coup. J'ai vu que vous proposiez aussi des tablettes régionales. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça contient? Alors les tablettes régionales, puisqu'on est installé à Gérardmer, Remiremont et Nancy, on est resté forcément sur des fruits, sur du local, dans l'idée, donc avec qui se dissocient sur trois produits. Les tablettes sont donc chocolat noir à 66%, sur lesquels on vient déposer des fruits confits, donc soit myrtille, soit mirabelle, soit bergamote. Alors en sachant que la bergamote, ça, c'est un tout petit peu moins régional effectivement que la myrtille ou la mirabelle, mais c'est un produit, puisqu'on est installé à Nancy également, qui est très utilisé, les bergamotes de Nancy. On reste dans l'esprit, dans l'idée. C'est de la pâte de fruits sur le chocolat, c'est ça ? C'est vraiment le fruit qui est confit. Ouais, confit, puis trempé dans le sucre cristal. Quels sont les différents composants que l'on peut retrouver dans du chocolat ? Alors, dans de la tablette, donc ça, on l'a déjà évoqué, mais dans des chocolats, donc tout ce qui touche aux bonbons de chocolat, aux confiseries chocolatées et autres, ce sera... Donc soit des fruits secs type noisettes, amandes, pistaches en praliné, soit de la ganache. Donc la ganache, c'est un mélange de couverture de chocolat, de crème, de beurre, de sucre, et puis après la petite touche que chaque chocolatier souhaite ajouter. Ça peut être de la pâte d'amande, mais bon, globalement, ça reste que des produits sains. Bon, il n'y a pas d'ajout de tout un tas de colorants, enfin en tout cas, pas chez nous d'ailleurs, très peu. Donc c'est que des bons produits, sains et simples. C'est quoi du chocolat praliné ? Alors le praliné, c'est un produit, c'est fait à partir ou de noisettes ou de pistaches, enfin de fruits à coque, qui sont broyés, mélangés bien souvent à du sucre. Alors il y a plusieurs techniques, soit on travaille le produit avec un sucre glace qu'on va mixer, mélanger, et mettre, dans lequel on met un petit peu de chocolat pour obtenir un praliné dige ou en duja si la granulométrie est très fine. Soit on travaille le fruit à coque avec un caramel pour donner un praliné un petit peu plus... quand je dis typé, c'est pas le bon terme, mais qu'une granulométrie, un praliné à l'ancienne, voilà, qui est un tout petit peu plus épais avec du croquant. Vous proposez également des tablettes Nancy et Gérardmer. Qu'est-ce que c'est ? Gérardmer ou Gérardmer ? Je sais jamais. Gérardmer. Oui, on propose des tablettes. D'ailleurs, on propose des tablettes Nancy, Gérardmer et une tablette pour Remiremont, puisqu'on s'est installé à Remiremont, qui s'appelle la tablette Le Volontaire. On travaille avec un fabricant de moules et puis on choisit forcément de mettre dessus ce qui correspond à la ville dans laquelle on travaille, et on a donc décliné ça, la tablette Gérardmer qui représente donc le lac, une piste de ski, voilà. La tablette Nancy sur lesquelles on retrouve forcément des éléments de la Plastane et puis Stanislas, et puis la tablette Remiremont sur laquelle on retrouve le Volontaire. Donc ça, c'est du chocolat qu'on fait en moule. Comment est-ce qu'on peut allier saveur et texture ? J'ai vu ça sur votre site internet. Alors, la texture, on l'a un petit peu évoqué quand on parlait, par exemple, des pralinés. Alors, on travaille différentes sortes de pralinés avec différents goûts en fonction de si on fait un praliné uniquement amande, uniquement noisette, uniquement pistache, si on fait un mélange noisette-amande. Donc, pour toute la partie goût, ce qui est vrai également dans les ganaches, si on fait des ganaches plutôt fermes, un peu plus souples ou autres, on a déjà d'une le goût de l'intérieur, soit de la ganache, soit du praliné, qu'on va utiliser. La touche qu'on souhaite y mettre, donc nous, on a par exemple un praliné onctueux, noisette, coriandre et fleur de sel. Donc on a choisi d'avoir le goût parce que la coriandre, comme on l'utilise, a presque un côté plus agrume que herbacé. On met de la fleur de sel parce que ça donne du peps à la fin du produit. Par contre, on a choisi d'utiliser un praliné 60%. Donc qui est plus 66 même, dans lequel 66, alors c'est encore une histoire de pourcentage, mais on met plus de fruits que de sucre, donc de fruits à coque, et là c'est un praliné complètement lisse. Et l'intérêt pour ce produit-là, j'essaie de répondre à votre question de manière claire, même si je ne suis pas vraiment clair, c'est justement d'allier la souplesse de ce praliné-là, qui a une granulométrie vraiment très très basse, donc qui est fondante, avec la couverture de chocolat sur lequel on vient déposer un décor relief, c'est une plaque qu'on pose dessus, mais il n'y a pas de décor si ce n'est du relief, et qui va apporter un contraste entre le croquant de l'enrobage et l'intérieur praliné qui est très très souple. Donc la texture et la saveur, c'est la petite touche de coriandre avec le fruit à coque qui est très prononcé, qui est libéré par la petite touche de fleur de sel qu'on a en fin de bouche. Allier créativité gustative et savoir-faire, ça veut dire quoi ? ça veut dire garder tous les bons codes de ce que demande notre profession, tout en les faisant évoluer en fonction des techniques qu'on découvre, des techniques qu'on nous a appris, qu'on apprend au quotidien avec d'autres professionnels, ou des techniques qu'on met au point nous-mêmes. Alors quand je dis on, je parle de notre chocolaterie, mais il y en a plein d'autres qui le font, et plus particulièrement en tout cas mon frère et son équipe. Mais tout en apportant aussi, au-delà de la technique, une originalité d'arme de goût. On vient d'évoquer la coriandre qu'on utilise sur ce chocolat-là, mais on a également un chocolat qui s'appelle Mojito, donc dans lequel on fait un mélange de rhum pour le Mojito, de yuzu, qui est un type de citron, mais on n'utilise pas du citron volontairement parce que le yuzu apporte un goût différent. On a également un chocolat citron vert basilic, donc c'est ça. Garder les bons codes de notre job avec le savoir-faire qui est entre guillemets ancestral, le faire évoluer du mieux possible pour être plus efficace, pour faire quelque chose de meilleur encore si possible, et l'allier à toute la partie gustative qui, à mon avis, est encore loin d'être exploitée au maximum. C'est quoi des ballotins ? Des ballotins, ce sont des boîtes dans lesquelles on met des bonbons de chocolat. Alors à l'époque, c'était un ballotin, je crois. Ça devait s'appeler ballotin parce que c'était vraiment une petite boîte avec un couvercle plus ou moins intégré qu'on venait fermer à l'aide d'un flot. Et aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle des ballots-boîtes. On a vraiment un couvercle qui est dissocié du fond du ballotin et on garnit de chocolat, on referme la boîte et voilà. J'ai vu que vous proposiez différents formats de ballotins, ces formats plus ou moins gros, de 100 grammes, je crois. Oui, on a différentes tailles de ballotins. On a le plus petit, donc un 200 grammes. On a du 300 grammes, du 400 grammes, du 600 grammes et du 900 grammes. Alors, c'est un petit travail pour le coup. C'est un gros travail dans notre activité, puisqu'en fonction du gabarit des chocolats qu'on voulait, nous, non standard, non pas pour être uniquement différent des autres, mais parce que quand on mange une bouchée de chocolat, en fonction du goût, de la saveur, de la texture, on a besoin d'avoir plus ou moins de mâche, plus ou moins une grosse bouchée ou pas. Et on avait choisi d'avoir des gabarits un petit peu plus fins que ce qui se faisait à l'époque traditionnellement. Et donc, on a essayé de calibrer ça pour avoir un ballotin qui reste et esthétique et qui colle au gabarit de ce qui était faisable en termes de boîtage. Alors, vous avez parlé de votre papa qui a été primé à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors je crois que c'était en 2010. Alors il était déjà rentré dans le guide des croqueurs de chocolat à l'époque, mais quand mon père a ouvert son activité, donc en 1983, en juillet, si je me trompe pas, à Gérardmer, d'ailleurs quelque chose a fêté cette année, je crois. Il a ouvert, c'était donc traditionnel. Et à l'époque, sur nos activités, il y avait peu de, surtout dans les petites villes, il y avait peu de chocolatiers, purs, entre guillemets, puristes, je dirais, qui faisaient vraiment une grosse activité, une grosse partie de leur activité sur le chocolat. Et donc mon père avait une activité de pâtisserie et traiteur. Et au fur et à mesure des années, il a pu évoluer comme il le souhaitait sur une pâtisserie vraiment fine et beaucoup de chocolat. Ce qui fait qu'on fait quasiment plus de traiteurs aujourd'hui. Mais il a réussi donc sur une ville comme Gérardmer, ce qui est quand même un challenge puisque c'est une ville dans laquelle il y a du monde, il y a des Jérômois, il n'y a pas de problème, puis il y a du tourisme, mais vivre en bonne partie du chocolat, c'était pas donné, ça se voyait que à Paris, et encore c'était des très très gros professionnels, et lui a évolué comme ça, et puis petit à petit il a été sélectionné dans le guide des croqueurs de chocolat avec 2 tablettes, 3 tablettes, et puis il a évolué jusqu'à arriver aux 5 tablettes et au award du chocolat qu'il a eu donc plusieurs fois en 2010, en 2015, mais depuis 2010 il a les 5 tablettes ou tablettes d'or jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques années, puisqu'il a arrêté depuis, mais c'est mon frère qui a pris le relais et on est toujours tablette d'or, donc voilà. Est-ce qu'il a participé à des concours pour faire ça, comme des dégustations, etc. Son truc, c'est de toute façon, on apprend toujours. Et oui, il a toujours suivi des formations. C'était pas forcément des formations établies avec un code, un truc, mais c'était avec beaucoup la proximité de pas mal de ses confrères pâtissiers, notamment un de ses très très bons copains, Pascal Brunstein, avec qui il a appris énormément de choses. voilà, qui était un des plus jeunes MOF à l'époque chocolatier. Et d'ailleurs, mon père, à l'époque, avait passé le concours du MOF qu'il n'a pas eu. Il est allé jusqu'en finale. Puis à l'époque, ils lui ont dit, mais c'est pas du chocolat, ça, monsieur. Et puis finalement, certains des chocolats qu'on fait encore aujourd'hui étaient les chocolats qu'il avait présentés au MOF. D'ailleurs, il va corriger, je crois, les MOF pâtissiers ou chocolatiers sollicités pour le faire, je crois, prochainement. MOF, c'est meilleur ouvrier de France, c'est ça? C'est meilleur ouvrier de France, oui, tout à fait. Il faut intégrer une école, non, pour faire ça? Non, c'est pas une école, c'est un concours. Ça doit être très sélectif, du coup. C'est hyper sélectif, il y a besoin d'être un très, très bon professionnel, avec, je crois, une qualité irréprochable dans la technique, premièrement, et puis bien sûr, dans le résultat, il faut que ça soit parfait. Mais je crois que même si le résultat est parfait, si l'hygiène et la technique n'y sont pas, ça passe pas. Pour moi, la perfection n'existe pas, il y a toujours quelque chose à... Oui, parfait, oui, évidemment. Parfait pour l'époque, on va dire. Vous disiez que vous proposiez diverses activités comme la chocolaterie et le traiteur, mais vous faites également des pâtisseries. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, la pâtisserie, donc exclusivement, on va dire, sur Gérardmer ou alors sur commande sur nos boutiques de Remiremont et Nancy. Mais donc la pâtisserie, premier métier dans l'entreprise familiale, qui est toujours un métier qu'on pratique principalement donc sur Gérardmer. Donc qui a été développé par mon père, qui au fur et à mesure des années, donc il avait déjà un très bon niveau en pâtisserie, mais qu'il a développé, qu'il a affiné pour avoir vraiment le résultat qu'il souhaitait lui, à savoir une pâtisserie fine. Quand je dis fine, c'est si possible désucrer au maximum, tout en restant convenable, parce qu'il faut que ça reste un produit plus ou moins sucré, la pâtisserie, mais désucré au maximum pour permettre aux produits qu'on utilise en guise de matière première de s'exprimer vraiment au sein d'une création. On a par exemple un de nos desserts phares qui est le Royal Chocolat. Donc ça, c'est un biscuit macaroné qui est fait avec un praliné croustillant pailleté feuilletine et une mousse chocolat noir. C'est quelque chose d'assez simple, j'ai envie de dire, qu'on décrit comme ça, et pour autant le résultat est génial. J'ai vu que vous faisiez aussi des gâteaux, mais comment est-ce que le pâtissier il détermine le nombre de parts, la taille du gâteau, etc.? Alors je pense qu'il y a au fur et à mesure des années une tendance, on va dire, générale. Alors ça prend plusieurs années à évoluer, mais nous par exemple, je sais qu'on a des entremets qui sont assez généreux. Et effectivement, quand on prend un entremets pour 4, on a de quoi faire une petite part de plus dedans. Et puis on a choisi de faire ça puisque c'est assez souvent quand même pris pour les repas de famille. Alors c'est pas uniquement le dimanche, hein, mais c'est principalement le dimanche, les week-ends ou pour les périodes de fête. Et puis bon, il y a toujours le copain qui se rajoute, le tonton qui devait pas venir, qui vient, ou ils en mangent encore le lendemain, mais voilà. On détermine les choses un petit peu comme ça aussi, en se disant, faut que ça soit quand même généreux, c'est le dernier moment du repas, il faut que ça suffise. Est-ce que vous faites que des gâteaux à base de chocolat ou est-ce que vous faites aussi des gâteaux avec des fruits? Non, on travaille, oui, là on avait beaucoup évoqué le chocolat, puisqu'effectivement il y a toute la partie chocolaterie qui est quand même très importante chez nous, mais on travaille, et c'est une des deux tendances dans notre activité, c'est et le chocolat d'un côté, enfin d'un côté ou mélangé, et le travail des fruits. Donc d'où aussi l'importance de la sélection des matières premières, parce que c'est voilà, il faut des fruits de qualité pour pouvoir avoir un super résultat. Donc on travaille des desserts aux fruits, notamment un qui plaît énormément, qui est un traditionnel que mon père fait depuis des années, mais qu'on a poursuivi, qui est le tutti frutti. Donc c'est un biscuit cuillère, donc le biscuit qu'on a depuis tout petit chez nos grands-mères, même emballé, alors qu'on fabrique nous, bien sûr, qui est très aéré, très, très souple. On le garnit d'une crème légère à la vanille. Et puis dessus, on fait un petit cocktail de fruits. Donc en fonction des saisons, on travaille les fruits qu'on peut travailler. Mais on travaille également des mousses de fruits, des bavaroises, des choses comme ça. Est-ce que vous proposez des produits sans gluten? Alors on essaye d'avoir toujours dans notre gamme au fur et à mesure de l'année, tout en suivant bien sûr la période et la saisonnalité des produits qu'on utilise, un produit sans gluten. Mmh. Là en ce moment on a le Passion, donc c'est une mousse légère Passion avec un confit de framboise et un confit de fruits rouges, pardonnez-moi, et un petit biscuit cacao sans gluten. J'ai vu aussi que vous proposiez des biscuits et des gâteaux de voyage. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les biscuits, les gâteaux de voyage, ce sont donc des produits qui peuvent se prendre chez l'artisan et avec lesquels on peut faire un peu de route si on a besoin. Ça, il n'y a pas de souci pour les consommer plusieurs jours et plusieurs, pour certains, plusieurs semaines après. On a par exemple les petits BS qui sont c'est un biscuit sablé qui est garni d'un géant du jas au chocolat au lait par exemple, ou pour les BS noirs c'est un biscuit cacao avec un géant du jas chocolat lait chocolat noir. On a également des cakes de voyage, des petites choses comme ça, oui. Vous proposez aussi des croquants de chocolat, je crois. Des croquants de chocolat, ça doit être le croquant Stanislas peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est une recette qui a été utilisée à l'époque pour faire un biscuit, alors dont j'ai le souvenir. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma Madeleine de Proust parce que c'est pas le produit qui m'a le plus marqué au départ. Et c'était un biscuit un peu façon allemande, un peu costaud, un peu robuste, mais qu'on aurait pu classer dans les petits biscuits de voyage. C'est un mélange de, c'est un biscuit noisette chocolat. Et on l'avait décliné pour avoir quelque chose d'un peu plus aérien, d'un peu plus souple, donc une macaronade noisette chocolat. Donc c'est beaucoup plus souple à manger. Et puis c'est fait sous forme de petits palets, entre guillemets, qu'on met dans un sachet. Les gens peuvent repartir avec, le manger trois semaines, un mois plus tard, sans problème. J'ai vu aussi que vous faisiez du panettone. C'est quoi ? Je sais que c'est italien, je crois. Ouais, panettone, c'est une spécialité italienne donc qui se prend au petit déjeuner, à 4 heures avec le thé, que les adultes mangent, les enfants mangent. C'est la petite spécialité, on va dire, qu'on peut avoir pour certains de nos clients. Je pense qu'ils ont tous les matins sur la table du petit déjeuner. Chez certains, c'est que le dimanche. Et puis, c'est également un produit qui marche bien pendant les fêtes, puisqu'on est un peu dans le concept spécialité. Quand je dis gâteau sèche, c'est entre la brioche et le kouglof avec des fruits confits dedans qu'on fait, nous, cédra et orange. Est-ce qu'on peut acheter vos produits en ligne ou pas ? Alors non, on peut pas acheter les produits en ligne. On fait éventuellement, on fait de la vente à distance. Les gens nous passent un petit coup de fil, on se met d'accord et puis on fait des expéditions, mais on fait pas de vente en ligne. Il y a rien qui est géré totalement informatiquement entre guillemets. Mais parce que c'est au niveau du conditionnement, ça doit être compliqué avec la livraison, etc. Au niveau du conditionnement, oui, et puis aussi au niveau de l'organisation, parce que je pense que ça demande vraiment une personne dédié à ça, et c'est un petit peu compliqué pour nous du moins de le faire. Et puis c'était aussi pour avoir la possibilité de, comme on a une carte, on va dire, des produits qui bougent beaucoup en fonction des périodes de l'année, pas qu'il y ait d'incompréhension, de dire bah attendez, j'ai essayé ce produit là dans votre boutique, je voulais l'avoir emporté, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ces raisons là qu'on ne le fait pas. Puis au niveau de la livraison, si c'est pas très très beau à voir aussi, ça doit pas être très agréable pour ceux qui l'achètent. Tout à fait. Donc il y a vraiment que quelques produits qu'on fait comme ça au moment des fêtes. On nous demande d'envoyer des ballotins. Alors on envoie tous les ans et depuis des années maintenant des chocolats sur Paris, Reims, Troyes, pas mal de villes de France. On le fait, mais encore une fois, quand on envoie, c'est vraiment début de semaine pour pas que ça reste stocké dans des locaux, des postes ou autres, qu'on soit sûr que ça parte bien dans l'heure qui suit. Enfin voilà. Donc il y a tout un petit protocole qui est assez contraignant entre guillemets, qu'on doit respecter pour que tout se passe bien. Est-ce que vous avez des fois des touristes francophones qui viennent vous voir dans les boutiques ? Parce que je sais que les Belges sont très friands de chocolat. Oui, alors on a des francophones, oui, des Belges, des Luxembourgeois. On a beaucoup de gens et assez curieusement, les Belges, c'est rigolo que vous parliez de ça, sont friands de chocolat. Et pour le coup, quand ils viennent en France, on en a en tout cas qui sont friands de nos chocolats aussi. Alors que le chocolat belge et le chocolat français, il y a quand même une différence, on ne fait pas le même chocolat. Nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de la chocolaterie et de votre actualité. On vous laisse avec Jacques Brel et les Beatles. On se retrouvera juste après sur le 107. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bière et de drames,

Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Barthélémy. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107 Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Oui, je peux. La première, c'était James Brown. Oui, Sonny, bah, parce que la musique, cette chanson-là, je crois qu'elle était de Bobby Hebb, il me semble, au départ. Et cette version est tout simplement magnifique. Je ne sais pas qui chante avec James Brown, la voix féminine, mais c'est génial. On part sur quelque chose d'un peu jazz que j'aime beaucoup. Et on termine sur quelque chose de bah, très, très rythmé, de chouette, tout en gardant la mélodie. Donc ça, j'adore. Brel, parce que... Bah, le mélange tip-top de la mélodie et des mots de Brel, c'est génialissime. Puis le port d'Amsterdam, c'est tout simplement grandiose. Et les Beatles, parce que Abbey Road, le dernier album qui pour moi est le meilleur, et on passe d'un groupe qui faisait une chanson avec deux accords à un truc qui est dans cette chanson-là, un peu façon Bohemian Rhapsody, où il y a de quelque part pour arriver complètement ailleurs et terminer sur l'intro qui est voilà, génial. Est-ce que vous écoutez aussi les musiques après les Beatles quand ils sont séparés ou pas ? Parce qu'ils ont chacun leur style musical pour le coup. Ouais, oui, oui. J'aime bien les deux avec quand même une petite préférence pour McCartney. C'est quand même un peu plus, je trouve, plus subtil. Et puis bon, c'est un multi-instrumentiste de génie, donc voilà. Alors, nous allons revenir sur la chocolaterie Schmitt. Alors, quel est le chocolat qui a le plus de succès auprès du public ? Alors, le chocolat qui aurait le plus de succès, ce serait... Alors, il y en a plusieurs. On en a évoqué un, c'était donc le coriandre, donc praliné, onctueux, noisette, coriandre et fleur de sel. On en a également, enfin, on en a d'autres, mais on en a un qui me vient en tête, qui est assez universel. Enfin, je veux dire, par là, qui plaît quasiment à tout le monde, même plutôt les amateurs de lait s'y retrouvent un peu. C'est un chocolat qui s'appelle Tonka. C'est donc une ganache chocolat noir qu'on fait à la fève de Tonka, qui a la particularité d'avoir ce mélange subtil en termes de goût entre l'amande amère, la vanille, le caramel, et c'est ce qui historiquement, je crois, si je ne me trompe pas, se mettait dans le carambar, donc il y a un côté vanille caramélisé qui est extraordinaire, voilà. Quelle est la pâtisserie qui a le plus de succès ? Alors on l'a évoqué, je crois, tout à l'heure, le Royal Chocolat. Parce D'accord. que je pense que ça allie, j'imagine, le notre côté quand même très chocolatier et pâtissier fin, on va dire. Voilà, les gens s'y retrouvent, c'est vraiment le dessert. Il y a plein de manières de le faire, plein de professionnels qui le font, mais je crois qu'on a on a un gros suivi de notre clientèle, enfin, et de la clientèle de manière générale là-dessus. Comment est-ce que vous faites de la pâte à tartiner ? Alors la pâte à tartiner, il y a plein de façons de la faire. Il y a plein de possibilités, il y a plein de mélanges qui se font en plus aujourd'hui, alors peut-être qu'on en fera d'autres sortes un jour, mais on a deux types, nous, de pâte à tartiner. La première, donc l'originale, on va dire, qui est fait donc avec de la noisette, du sucre, du beurre de cacao, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans, de la vanille, du beurre, et donc du chocolat au lait. On fait un géant du jade, donc j'ai déjà dû l'évoquer aussi tout à l'heure. C'est un praliné onctueux aux noisettes, donc qu'on fait au sucre glace, et puis avec de la noisette torréfiée, bien sûr, pour deux raisons. D'une, pour que ça se conserve, et de deux, surtout, la première, pour que ça ait du goût, vraiment, puisque le fait de torréfier les fruits secs apporte vraiment tout le goût du fruit. Donc voilà, c'est un mélange de tous ces ingrédients-là, la noisette, le beurre, le sucre, la vanille, le beurre de cacao, le chocolat au lait, et on en a une qu'on fait donc qu'on appelle la craquante, parce que on met de la nougatine concassée dedans. Bon, ça c'est un truc bien gourmand, c'est pas le produit le plus diététique qu'on fait, mais c'est top sur de la gaufre un petit peu costaud, c'est l'enfer. Sans huile de palme, donc. Ah, sans huile de palme. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, ça, mais ça me semble tellement évident que je ne le précise plus. Tous nos chocolats, tous nos produits, comme pour beaucoup d'artisans, pour le coup, parce qu'énormément d'artisans travaillent comme ça et travaillent bien, c'est 100% pur beurre de cacao et sans huile de palme. On disait hors antenne que certains chocolats n'aiment pas trop la chaleur, etc. C'est quoi la meilleure température ? Alors, l'idéal pour quasiment tous les chocolats, c'est vraiment de les conserver entre 14 et 18 degrés, si possible, avec peu de variations de température quand même, et avec peu de variations d'humidité. Parce que ça aime pas trop l'humidité, ça aime bien un pourcentage d'humidité, c'est constant. Et les variations thermiques sont pas top pour deux raisons, ça risquerait de ramollir le produit, voilà. Et puis aussi, parce que quand on a un choc thermique, on a la molécule de gras qui se détache, on va dire, de l'ensemble, et on retrouve du coup des chocolats qui parfois blanchissent. Alors c'est pas du moisi, c'est pas impropre à la consommation, mais c'est pas top puisqu'on a plus cette homogénéité et ce côté, cette texture qu'on a dans le chocolat. J'ai vu que vous proposiez de l'oignon de jonquille, c'est quoi ? Alors l'oignon de jonquille, c'est un praliné noisette-amande avec un concassé de nougatine qui est roulé dans le chocolat blanc, puis dans de la poudre de cacao. Alors c'est quoi ? Je viens de décrire le produit, mais pourquoi l'oignon de jonquille ? Bah parce qu'on est originaire d'une ville qui s'appelle Gérardmer, et à Gérardmer, il y a la fête des jonquilles, et donc c'est sorti comme ça. Il fallait un produit... On a choisi d'avoir un produit qui colle tant en termes de couleur qu'en termes de forme, puisque ça ressemble vraiment à un oignon. Comment est-ce que vous choisissez le design et la composition d'un gâteau ? Pour la partie pâtisserie ? Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs raisons qui donnent au gâteau la forme et puis le style, on va dire. Il y a la praticité. En fonction de la composition du gâteau, ce qu'on va utiliser, si c'est plutôt une mousse, une crème légère, enfin voilà, on a besoin de le travailler d'une certaine façon ou d'une autre, ou de le faire en cadre, ou de le faire dans un moule. Voilà, ça dépend de la texture du gâteau. Il y a aussi une question d'efficacité. Un gâteau dit en cadre entre guillemets est un peu plus efficace, un peu plus rapide à fabriquer, du moins pour la partie les étages à fabriquer qu'un gâteau moulé, quoi qu'encore ça dépend. Et puis aussi parce que en fonction de l'activité, si on est vraiment plus pâtissier ou plus chocolatier, on va passer plus de temps pour fignoler, ou on a la magique idée qui fait qu'on lie l'aspect pratique à l'aspect esthétique, et voilà. Donc ça sera vraiment en fonction des périodes, je pense, de l'année, les fruits et les matières qu'on peut utiliser, et aussi en fonction de la créativité de l'artisan et du temps qu'il a pour faire bien, pour que tout le monde ait bien ses gâteaux tous les jours et que ce soit bon. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres créations, que ce soit au niveau de la chocolaterie et de la pâtisserie ? Alors oui. Vous dire à cette heure-ci précisément lesquels, non, mais oui, on a prévu, puisqu'on est dans un métier qui est en constante évolution, enfin tout comme les métiers de bouche de manière générale, c'est en constante évolution, on a toujours des nouveaux produits, toujours des nouvelles matières premières ou des matières premières à travailler un petit peu différemment, à faire, et on a toujours en tête, surtout je crois quand on est un passionné comme mon père l'était ou comme mon frère l'est, et comme nous, on l'est aussi, mon autre frère et moi, envie d'apporter de nouveaux produits. Alors, en termes de design, on va dire, je ne sais pas si c'est trop le mot, mais de style, et en termes de goût. Donc oui. Et puis c'est indispensable, puisque les gens se lasseraient, je pense. On aime bien d'avoir des incontournables de telle maison ou telle maison, et en même temps, on aime bien aussi de pouvoir avoir un nouveau produit, comme on en a sorti récemment avec le praliné mendiant. C'est un petit praliné avec un enrobage fin au chocolat, puis un petit cocktail de fruits secs, donc amandes, pistaches, noisettes, et on met du cranberry. Et ça, c'est une nouveauté, heureusement qu'on l'a apporté, puisque ça apporte quelque chose que les gens aiment bien de retrouver chez nous, et la nouveauté et le tradit. C'est quoi l'actualité de la chocolaterie Schmitt ? Qu'est-ce que vous avez prévu prochainement ? Pâques, c'est pas spécifique à nous, mais je dirais que la prochaine actualité, c'est vraiment Pâques, puisqu'on vient de passer période de fête de fin d'année, on a eu la Saint-Valentin, et là, ça sera à Pâques, et puis bah, la prochaine actualité, j'imagine que ce sera les 40 ans de l'entreprise, ce serait peut-être bien qu'on s'y colle. Est-ce que vous avez des futurs projets ? Là, comme ça, non. Pérenniser vraiment l'entreprise dans son ensemble, essayer de trouver les nouveaux produits, ce qu'on vient d'évoquer. J'imagine organiser peut-être un petit quelque chose pour les 40 ans. Je ne sais pas dans quelle formule ça se fera. D'ailleurs, je ne sais pas si mes frères ne vont pas m'assassiner en me disant « T'es con, t'as annoncé un truc qu'on ne sait même pas. » voilà, non, ce sera plutôt ça. Dans les nouveaux projets, ce sera des petits nouveaux projets au sein des structures déjà existantes. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? On peut nous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, oui, donc sur Facebook. Et puis, on a notre site Internet, oui. On n'est pas forcément des super communicants, mais oui, on peut nous retrouver là-dessus, sans problème. Et on communique, on répond aux mails qu'on nous envoie, on répond aux choses qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et à vous et à la chocolaterie ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? La réussite, comme pour tout le monde, et que ça se passe bien pour l'entreprise en tant que telle, et puis aussi pour chaque personne avec qui on travaille depuis pour beaucoup un certain nombre d'années, qu'ils aient toujours envie de travailler avec nous, qu'on ait toujours à cœur de faire les choses bien. Je crois que c'est plus ça, comment on appelle ça, la cohérence ou la bonne atmosphère de travail, tout ça, voilà, c'est ce qu'il faut en ce moment, c'est important. Cette émission est maintenant terminée, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir, oui. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission de Tour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!